7-12, activation, discrimination auditive. Voyelles nasales et dénasalisées. Vous allez entendre une série de phrases. Déterminez si l'adjectif ou le nom dans chaque phrase est masculin, voyelle nasale, ou féminin, voyelle dénasalisée. 1. Son père est brésilien. 2. Sa sœur est brune. 3. Les ours aussi sont bruns. 4. Ça, ce sont des Canadiens. 5. Je connais des Iraniennes. 6. Je connais deux Argentins. 7. Tu connais leurs cousins? 8. C'est une Indienne. 9. Ah, alors c'est leur cousine. 10. Elle est divine. 11. Tous les Parisiens sont en vacances. 12. Les Parisiennes ont du chic. 13. Les Bourguignonnes savent cuisiner. 14. Les Bourguignons sont vignerons. 15. Les Gascons parlent beaucoup. 16. Les bonnes travaillent trop.